do mundo si j'ai en bleu en quelques secondes sur une map Son corps offert aura détruit l'orgueil des frontières.